On va parler de golf avec notre ami Michel Hellement. C'est la dernière chronique du club de golf de Chibougamau. Salut Michel! Bonjour, Denis. Michel, effectivement, il ne se passe plus grand-chose à Chibougamau. Évidemment, lorsque la rentrée arrive à Chibougamau, c'est un petit peu plus difficile de ce côté-là. Si on y allait avec le bilan de l'année, un bilan quand même positif, négatif, ou c'est que c'est correct? Ouais, ça va être un bilan négatif. Notre saison financière se terminant le 31 décembre. On a quand même d'autres revenus secondaires au golf à entrée. Mais pour la section golf comme telle, une saison très difficile. Beaucoup de mauvaises températures, de la pluie, des températures froides, souvent alentour de 13 à 15 degrés. Donc, pas des conditions idéales pour la pratique du golf. Et ça va se ressentir du côté des revenus. Ouais, effectivement, une perte de combien à peu près? Je te dirais qu'au niveau des opérations golf, permis journalier, location de voiture, terrain de pratique, boutique, ça devrait chiffrer normalement qu'une perte alentour de 25 000 à peu près. Hey, c'est beaucoup quand même, hein? C'est beaucoup, ça représente 10% de nos budgets d'opération. Puis ça fait 2 ans de fil qu'on a des situations qui sont plus difficiles. Donc, on n'aura possiblement pas le choix que de prendre des mesures là, lorsque va arriver le temps de faire les prévisions budgétaires pour la prochaine saison. Est-ce que tu as une idée un petit peu des mesures qui pourraient être prises? Ben, il y a différentes avenues qu'on devra regarder. C'est bien évident que au niveau des revenus, notre taux d'augmentation de nos cartes de membres, on est quand même assez limité parce qu'on a un petit bassin, puis il faut préserver notre noyau de près 150 membres. Au niveau des dépenses, c'est la même chose. C'est un club de golf, il n'y a pas beaucoup de postes budgétaires. Donc, il va facilement falloir prévoir, là, comme dans beaucoup d'autres clubs, principalement au Saguenay-Lac-Saint-Jean, peut-être un tournoi bénéfice ou une levée de fonds extérieur au club de golf. Parce que c'est rendu vraiment un monstre. Plusieurs clubs le font. Ils vont chercher un 25-30 000. Je sais qu'à Delbeau, je me semble que c'est 30 000 qu'on est allé chercher cette année. Même chose à Saint-Prime. Donc on n'aura peut-être pas le choix non plus, là. Quand même, si vous allez chercher un 15 000, c'est tout bien ça, hein? C'est ça, c'est ça. Parce qu'on ne peut pas demander aux membres d'assumer l'écart actuel, parce que ça serait vraiment une trop forte augmentation. Donc, si on était capable de jouer sur différents tableaux, à ce moment-là, ça serait plus facile pour l'ensemble des secteurs, autant au niveau des dépenses que des revenus. Comment vous avez le membre, au juste, hein? Chez nous, 190 membres, c'est très bon, Ben oui. dont 150 membres adultes, une vingtaine de membres juniors, puis une trentaine de membres étudiants. Donc, on est bien, bien satisfait à ce niveau-là. Ça va bien. Le seul problème, c'est que dans le secteur où on est hors du circuit touristique. Ben Donc, oui. un club qui va chercher 100 ou 200 000 $ en permis journalier, chez nous, ça va être à peine 20 000 cette année. On a eu moins de tournois extérieurs, tournois sociaux, comme dans beaucoup de clubs au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est pourquoi la saison est plus difficile. Puis là, vous n'avez justement cancellé un, je pense, dimanche pour en fin de semaine, hein? Encore un autre, on l'avait reporté au début de la saison parce qu'il avait vraiment mouillé toute la semaine. Puis là, le reporter à l'automne, le tournoi qu'on fait pour les membres et non-membres de début de saison, en collaboration avec la Chambre de commerce, ça n'a pas semblé soulever le même intérêt. Beaucoup moins d'inscriptions. Puis en plus, on prévoit encore beaucoup de pluie samedi avec des températures avoisinant les 14 degrés. Donc, rien pour faire découvrir et apprécier le golf. Donc, en collaboration avec la Chambre de commerce, on a décidé de l'annuler purement et simplement. Aussi, ben, ici, il y a quand même quelques points positifs, dont le passage de Pierre-Alexandre Bédard, qui est un de vos membres, chez les professionnels. Oui, on a plusieurs points positifs. Ouais. C'est sûr que Pierre-Alexandre, c'est un modèle pour l'ensemble de nos membres, dont notre jeunesse. Mm. Et au niveau de la jeunesse, on s'en vient avec une très belle relève. Ouais. On a 4 ou 5 jeunes qui devraient figurer très, très avantageusement au niveau régional l'année prochaine. On a plusieurs de nos membres qui ont connu une bonne saison. Mm. Dernier championnat régional, la victoire de Nelson Miamskoum en classe A. On a eu aussi des bonnes performances au niveau du terrain. Mm. Donc, non, ça s'annonce encore bien au niveau du volet golf à Chibougamau. Okay. Donc, la performance de Julien Fillion, tu parles des jeunes, Julien Fillion s'est démarqué pas mal hein, du côté volet jeunesse cette année. Là. C'est certainement un des jeunes à surveiller au cours des prochaines saisons. Seulement 15 ans. Ouais. Au championnat junior, il a fini deuxième. Et ici, à notre championnat, avec les adultes, en classe 2B, c'est lui qui est sorti le grand vainqueur. Ouais. Donc, une belle avenue probablement pour le jeune Julien Fillion. OK. Ben Michel, encore une fois, ce fut un grand plaisir. Ce fut de partager encore ce qui se passait à Chibougamau avec toi cette année. C'est un grand rendez-vous tous les jeudis. Fait que puis au plaisir encore une fois, puis on s'en reparle l'an prochain encore une fois. Un grand merci à toi, c'est bien apprécié. Puis de plus en plus de gens commencent à nous parler de ta chronique. Ouais. Et on va continuer à la publiciser parce que ça donne un très bel aperçu de notre saison de golf. OK. Ben, Michel, un gros merci, puis on s'en reparle la semaine prochaine. Ou l'an prochain, c'est-à-dire. Voilà, donc Michel Lallemand, qui est le directeur général du club de golf de Chibougamau.